Chapitre 345. La réprobation de jeûner le jour du vendredi en particulier ou de passer spécialement la nuit du jeudi au vendredi en prière. 1760. D'après Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Ne choisissez pas en particulier la nuit du jeudi au vendredi pour vos prières nocturnes et ne choisissez pas en particulier le vendredi pour jeûner, sauf s'il coïncide avec une période habituelle de jeûne. » Muslim. 1761. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte avoir entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire « Ne jeûnez pas le vendredi, sauf si vous le faites précéder ou suivre d'un jour de jeûne. » Al-Bukhari et Muslim. 1762. Muhammad ibn Abbad rapporte qu'il a interrogé Jabir radiallahu anhu en ces termes. Le prophète alayhi salatu wassalam a-t-il interdit de jeûner le vendredi? Oui, répondit-il. Al-Bukhari et Muslim. 1763. Juwayriya bintul Harith, l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, rapporte que celui-ci lui rendit visite un vendredi alors qu'elle jeûnait et lui a demandé « As-tu jeûné hier ?»« Non, répondit-elle. »« As-tu l'intention de jeûner demain ?»« Non. »« Alors, romps ton jeûne, » ordonna-t-il alayhi salatu wassalam. Al-Bukhari.